ce monde faut être un aigle, y'a plus de place pour les poussins. Au lieu de compter sur les autres, mais sur tes coups ce sera plus simple. Dans mes plus beaux rêves, j'entends la voix de mes remparts. Mais le temps presse, ne te branche pas si tu vas avoir de leur rempart. Ne te mélange pas trop, moi je suis attiré par les cœurs. Je sais pour qui je pourrais tirer, s'il y a des gyrophares de cœur. La modestie s'en sort de toi, t'auras beau dire que t'es maudit. Moi je préfère être applaudi que d'applaudir. Ou le bonheur avec l'argent, bah, c'est pas mon truc à n'importe. T'as des projets, mais tout s'éteint quand la bague frappe à la porte. C'est logique. Et puis ce monde n'est pas celui qu'on attend. Imagine-toi sucer des bites avec un canon sur la tempe. Avec tout ça, ne m'en veux pas, je me suis passé des regrets. Mais t'emballes pas comme mes semblables, on fait même pas sur le progrès. Si t'es l'homme ici, nous de crapuleuses créatures. On est tous dans les mêmes trous, que feras-tu livré à Dieu. Réveille ton âme de guerrier, cette guerre peut être la dernière. Putain, elle vous rêve de vivre, prends-les par derrière. Prends garde, regarde le monde et ses barrières. La devise affronte ta vie comme par une césarienne. Réveille ton âme de guerrier, cette guerre peut être la dernière. Putain, elle vous rêve de vivre, prends-les par derrière. Prends garde, regarde le monde et ses barrières. La devise affronte ta vie comme par une césarienne. Le coin n'en frotte qu'en amour, pourtant on en est redingue. Le coin rend dur ou détruit, mais nul n'en sort indemne. Trop peu s'élèvent ensemble, trop finissent les lèvres ensemble. Le coin un crématorium qui réduit les rêves en cendres. Né pour porter le cartel, comme un putain de vison. Ta réussite t'emporte jartel dans ta putain de vision. Nul n'a vu un animal s'apitoyer sur son sort. Pourquoi te parle-t-il si mal? Défonce-le sur son sol. Si t'as peur, achète un pit ou réveille l'alien. Mets la pression au lion, un peu comme le fait l'alien. Arrête ta flûte, leur tourne, vis tes rêves en vitesse. Vise le plus haut, vu que le niveau de vie baisse. Vas-y, lève ton cul du pot, tes gains n'attendent des gains. Soit tu dévores l'instant, poteau, soit tu le dégueules. Soit là où tu sois pas dans le coup, tôt ou tard ton heure viendra. Ne crains pas l'échec, et l'échec te craindra. Réveille ton âme de guerrier, cette guerre peut être la dernière. Putain, elle vous rêve de vivre, prends-les par derrière. Prends garde, regarde le monde et ses barrières. La devise affronte ta vie comme par une césarienne. Réveille ton âme de guerrier, cette guerre peut être la dernière. Putain, elle vous rêve de vivre, prends-les par derrière. Prends garde, regarde le monde et ses barrières. La devise affronte ta vie comme par une césarienne. Une place parmi les riches ici, mais qui ne la voudrait pas. Même des amis d'enfance se font la guerre pour 2-3 barres. On n'y croit pas à ton bonheur, cousine, j'ai la vision terne. Tout ça me paraît difficile, comme te dire je t'aime. Les morceaux cassés qui les ressoutera. Que Dieu me pardonne, car j'ai des envies de sous grave. Et si tu cours après tes rêves, refais-t-on là. C'est où tu tombes de haut comme un clandé au port de Marseille, ouais. Réveille ton âme de guerrier, cette guerre peut être la dernière. Putain, elle vous rêve de vivre, prends-les par derrière. Prends garde, regarde le monde et ses barrières. La devise affronte ta vie comme par une césarienne. Réveille ton âme de guerrier, cette guerre peut être la dernière. Putain, elle vous rêve de vivre, prends-les par derrière. Prends garde, regarde le monde et ses barrières. La devise affronte ta vie comme par une césarienne. Je préfère être pauvre, vivre comme un riche. Qu'être riche, vivre comme un pauvre. La crime, Louch 9-4, 1-3. Ok.